La troisième. C'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première. Comme dit Gérard de Nerval. Donc la treizième, troisième. Treizième, en fait, c'est le véritable mot qu'il y a dans le poème de Nerval quand il dit la treizième, elle revient, c'est tout le temps la première, parce qu'en vérité, c'est la première heure. Donc c'est pour ça qu'elle revient et c'est tout le temps la première. Et donc c'est un jeu de sens de Lacan de dire la troisième, elle revient, en faisant référence à la treizième, donc de Gérard de Nerval. Et donc voilà, aujourd'hui c'est la treizième, troisième. On va commencer par écouter Lacan, parce que ça va être un passage très important, et puis on essaiera d'éclairer un peu, si on peut. En principe, vous avez tous le texte. Hein. C'est quand même du malaise. C'est quelque part note du malaise dans la civilisation que procède toute notre expérience. Bon. Ce qui est frappant, n'est-ce pas, c'est que le corps, puisque pour le c'est le schéma, il fait le nœud borroméen, le tableau, mais les trois ronds. Hein. Oui, là, il y a un passage vraiment inaudible. Hein. C'est parce qu'il est au tableau. Ouais. On peut pas... C'est pas grave, c'est pas important. Voilà. C'est très frappant que, à ce malaise, il contribue. Il contribue d'une façon que nous savons très bien animer, si je peux dire, animer les animaux, de notre peur. Quoi nous avons peur? Ça ne veut pas simplement dire à partir de quoi avons-nous peur. De quoi avons-nous peur? De notre corps. Oui, c'est ce que manifeste ce phénomène curieux à quoi je... Sans quoi tu vivais un séminaire toute une année. Et j'ai dénommé de l'angoisse. L'angoisse, c'est justement quelque chose qui se situe ailleurs dans notre corps. C'est le sentiment qui surgit. Ce soupçon qui nous vient de nous réduire à notre corps, comme quand même, là c'est très très curieux que cette débilité du par-l'être ait réussi à aller jusque-là, enfin, n'est-ce pas? La peur et qui c'est que si bien par rapport à ce que je voudrais aujourd'hui pour pouvoir quand même vous dire, puisque sur les 66 pages que j'ai eu la connerie de prendre pour vous, naturellement je ne m'en vais pas mettre à parler comme ça encore indéfiniment. Ce que je voudrais bien vous montrer, c'est ceci. C'est que... Vous voulez pas m'apporter ça? Est-ce qu'il y a un micro volant? C'est le passage en audio le plus problématique parce qu'il y a beaucoup de coupures. Non, mais il y a un nouveau tableau. Oui, oui. Il a appelé une assistante. Il a un nouveau tableau, hein? Il a appelé quelqu'un pour lui. Il a un crayon. Oui. Un micro. Non, c'est la fille qui demande est-ce qu'il y a un micro. Attendez, mais là, il sort, ça va reprendre. Dans ce que j'ai imaginé pour vous. Il va revenir. Bon, il n'y a pas de technicien, s'il vous plaît. Alors. J'ai imaginé pour vous, n'est-ce pas, à identifier chacune de ces consistances. Comme étant celle de l'imaginaire, du symbolique et du réel, ce qui fait lieu et place. La jouissance phallique, et ce champ qui, de la mise à plat du nœud borroméen, se spécifie de l'intersection elle-même, telle que les choses se figurent du dessin, comporte deux parties puisqu'il y a une intervention du troisième champ qui est ce point dont le coincement central définit l'objet petit a. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur ce place du plus de jouir que se branche toute jouissance. Et donc, ce qui est externe dans chacune de ces intersections, ce qui est externe à un de ces champs, en d'autres termes, la jouissance phallique, ce que j'ai là écrit du J-Phi, c'est ça qui en définit ce que j'ai qualifié tout à l'heure de leur corps. On arrête là. Bon, alors il y a un premier point que je reprendrai un peu plus tard. C'est que vous voyez comment il fait avec le nœud borroméen, en fait. Ça devient démonstration. Il fait pas de démonstration. Parce qu'il considère que le nœud borroméen, dans sa représentation, est équivalente à la structure borroméenne. Donc, il ne fait plus comme avant des laïus sur le symptôme, inhibition, des choses comme ça, ou éventuellement les mathèmes. Il montre sur ses figures de quoi il s'agit. C'est ça qui est important à saisir là. Là, il vient d'expliquer ce que c'est que cette histoire, par exemple, de la jouissance phallique, qui est la jouissance liée au signifiant, et qui est hors corps, qui est ici. On va en parler, bien entendu. Hein, jouissance phallique et hors corps. Alors, il a illustré dans son séminaire très très tôt avec le petit Hans. Quand le petit Hans éprouve quelque chose de radicalement nouveau pour lui au niveau de son organe, c'est certainement un orgasme qu'il a eu autour de l'âge de 4 ans, qu'il appelle un charivari, hein, et Lacan précise que c'est vraiment un mode de jouissance, ça lui vient du dehors, en gros, ça lui est complètement étranger. C'est pas une jouissance inhérente, par exemple, au nourrisson qui, par exemple, tête sa mère, qui pour lui, ça lui est pas étranger d'éprouver ça, mais la jouissance phallique, en tout cas pour un homme au niveau de son organe, est éprouvée, la clinique le démontre très souvent, que c'est quelque chose de nouveau qui fait effraction dans le corps et qui le laisse perplexe. Et les petits enfants, ils sont, les petits garçons en particulier, ils sont en prise avec ça, et les parents ne le savent pas, parce qu'ils font bien entendu souvent un déni de ce que l'enfant puisse avoir des manifestations de ce registre-là. Et Lacan insiste beaucoup pour dire que cette jouissance sexuelle, elle précède de beaucoup ce qu'il en est de la maturation corporelle. Ce qui met à mal toutes les théories de ce qu'on appelle l'enfance, la puberté, l'adolescence, puis la maturité, puis la sénescence, quoi, en gros. Hein. C'est des catégories, ça, plutôt, je dirais, d'ordre psychologique ou sociologique, avec bien sûr des effets importants dans la réalité, puisque les règles ne sont pas les mêmes. Mais le sujet en lui-même, dès avant 4 ans, pratiquement pour Lacan, presque à l'âge de 6 mois, au moment du stade du miroir, il a sa structure mentale, sa structure, elle est déjà en place. Il a affaire à tout ça. Hein. C'est quand même. Il ne dit pas 18 mois, Lacan, il dit entre 6 mois et 18 mois, et il dit plutôt à 6 mois. Et quiconque a eu des enfants ou en a vu, ou en a eu, s'aperçoit bien que l'enfant, il est beaucoup plus précoce que ce qu'on peut dire, je dirais, dans les écoles, quoi. Hein. Voilà. Alors, mais ce passage, quand même, c'est décisif parce que ça ramène la jouissance, donc, au corps. Et même s'il y a cette monstration qui arrive comme ça, comme une forme d'éclaircissement sublime, on en revient au premier moment de la troisième, c'est-à-dire à l'interprétation qui fait du cogito lacanien, du cogito cartésien, qui est devenu le cogito lacanien. Donc, je pense donc se jouit. Et là, du coup, avec ça, on peut l'entendre de deux manières, le je pense donc se jouit. C'est-à-dire, le je pense donc ça jouit hors, c'est-à-dire que c'est ailleurs que ça se passe, la jouissance, ou le je pense donc se jouit, ça veut dire c'est parce que je pense et donc je parle que quelque chose se produit de la jouissance. Donc on se souvient que le symbolique vient assécher justement la jouissance et vient la quadriller le corps de telle manière qu'il n'y a plus de jouissance normalement possible directe par le corps, parce que c'est ça le je pense donc je suis. Donc à partir du moment où le sujet est pris en signifiant, il ne peut plus directement jouir par le corps, parce que là peut-être on peut amener l'histoire de la peur du fait qu'elle arrive comme venant de l'extérieur, comme quelque chose d'étranger, puisque si je pense, ça veut dire que ça jouit en dehors de ce que là où je pense. Donc je pense, je suis là où je pense, en fait. Il y a une question là qui fait problème, c'est que est-ce que ça veut dire qu'il y a une primarité du signifiant sur le corps, ou si au contraire il y a une primarité de la jouissance sur le signifiant ? Donc c'est un nouage qui peut être interrogé, parce que lui-même il va dire qu'au fond la langue parlée, puisque c'est par là que ça passe, la langue parlée, elle colonise le corps et elle plonge ses racines très profondément dans le corps. Justement, il utilise la même expression et va animer sa jouissance en disant, en la civilisant, c'est-à-dire que quelque part, comme tu viens de le dire, le sujet, il est séparé de sa jouissance. Il n'y a pas de sujet de la jouissance. La jouissance, dans la jouissance, il n'y a pas de sujet. C'est pour ça que l'expression « la jouissance de l'autre est impossible », c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas éprouvée, quand c'est un extrême d'ailleurs, mais que le sujet n'y est plus à ce moment-là. Il perd ça. Bon. Les hommes le perçoivent moins que les femmes. Les hommes s'imaginent, parce que comme l'orgasme est très court, qu'eux, ils sont là et qu'ils peuvent continuer. Mais les femmes le vivent d'une façon beaucoup plus intense. Hein, c'est ça ? Voilà. Donc en replaçant ce qu'on a appelé le choix forcé entre le « je pense » et le « je suis », du moment que nous avons choisi le langage, et même les psychotiques ont choisi le langage. C'est-à-dire que c'est pas des névrotiques que je parle, c'est le fait d'être des par-lettres, donc d'avoir été colonisé par le langage, donc de choisir d'être humain. Ça veut dire que la jouissance, nous en sommes coupés. La jouissance de l'être, a priori, nous n'y avons pas accès. Donc dans l'histoire du retournement, on l'a vu, d'un point de vue, on va dire, objectif, si tant est que ça a un sens, mais c'est juste une projection, l'objectif c'est projectif, on peut dire que le sujet préexiste d'abord, puisqu'il est chacun de nous est d'abord nommé en tant qu'enfant à venir, donc il existe dans le réseau de signifiants, donc de ce point de vue là c'est le signifiant qui préexiste. Mais du point de vue de l'expérience phénoménale, c'est à partir du corps que le signifiant arrive dans un deuxième temps pour coloniser le corps et le vider de toute la jouissance. Donc quelque part, plus de jouir, c'est presque un pléonasme. Parce que la jouissance ne peut venir qu'à partir du plus de jouir, c'est la même chose. Et on peut entendre plus de jouir ou plus de jouir. C'est-à-dire on entend le plus comme la plus-value, la mère verte marxienne que Lacan récupère, mais aussi le plus de jouir. Il n'y a plus de possibilité de jouir directement. Voilà. Alors ça, c'est ça qui est peut-être, je sais pas, le plus difficile d'accès concernant cette opération-là qui est la castration, et qui en fait est le plus simple. C'est-à-dire qu'il y a un corps qui... tout dans ce corps, dans notre corps, en fait, ses constituants, ses atomes, etc., appartient à cette terre-là. D'ailleurs, les corps se fondent dans la terre et disparaissent dans la terre parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'appartenance à cette terre. Or, le sujet n'est pas de ce monde. C'est-à-dire, le sujet, le langage, c'est autre chose. C'est autre chose qui n'est pas soluble là-dedans. Donc, le fait d'être dans la castration symbolique, ce qui est le plus peut-être facile à comprendre, mais ce qui pose le plus de difficultés, c'est que c'est le symbolique qui est castration. C'est-à-dire le fait d'être colonisé par le langage, c'est-à-dire d'être inscrit dans la chaîne signifiante, nous coupe définitivement d'un accès direct à notre corps, c'est-à-dire à l'immédiateté de notre corps. Pour avoir accès au corps, j'ai besoin de la médiation du symbolique, c'est-à-dire de me représenter, c'est-à-dire par exemple, moi personnellement, je dirais, il faut que j'imagine que je suis Christian pour pouvoir avoir accès à mon corps, mais c'est pas le corps, l'anatomie, c'est l'image que j'ai du corps. C'est pour ça qu'on parle justement de à propos de la jouissance phallique, comment elle n'est pas éprouvée. Bien sûr qu'elle est éprouvée de l'organe, mais elle est vécue comme étrangère. On voit bien qu'il y a une séparation du sujet de son corps. Il est séparé de son corps par l'opération du langage. Alors, il y a un point, parce que l'histoire du sujet, c'est assez compliqué et en même temps, c'est assez confusionnant, ou confusionnel. Parce que pendant une très longue période de son enseignement, qui va de 53, on peut dire, jusqu'à... Oui, on peut même aller jusqu'à presque encore, hein, ça va être donc très loin, c'est-à-dire le séminaire 20, il y a presque 20 années d'enseignement où au fond, Lacan, il parle du sujet, du signifiant, hein, représenté par un signifiant pour un autre signifiant, ce qui vous permet, ce sujet-là, il n'a pas de corps, hein, il peut, puisque tu l'as dit toi-même, on en parle avant sa naissance, et puis on en parle après sa mort en plus, quand il n'y a plus de corps. Alors déjà ça permet de comprendre cette fameuse phrase qu'on ressasse tout le temps, que le sujet de l'individuel ou le sujet du collectif, ce sont les mêmes. Hein? Oui. Mais Lacan, ce qu'il a introduit cette année-là, et un peu avant d'ailleurs, il introduit la dimension du par-lettre. Et avec le par-lettre, à ce moment-là, il ne s'agit plus de la même dimension. Hein? Le par-lettre, ce n'est pas le sujet. Et dans ce schéma du nœud borroméen, vous voyez très bien que vous ne pouvez pas le placer, le sujet. Il n'y a plus de place pour le sujet, là. Donc c'est un sujet, c'est pour ça que Lacan le nomme, il l'appelle l'homme, L-O-M, en utilisant un terme de Joyce. L'homme est un composé trinitaire. Il est constitué de ce nouage du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Un composé trinitaire. Ça, c'est un point tout à fait capital, ça, à comprendre. Et c'est ce déplacement, ce texte est en train de mettre en place cette articulation-là du par-lettre par rapport au sujet. Et c'est indissociable, bien entendu. Hein. C'est-à-dire qu'on a affaire non plus au sujet d'une pure articulation signifiante qui a permis à des tas de gens de se relancer dans la métaphysique à fond la caisse, hein, c'est-à-dire à faire des raisonnements logiques et tout ce qu'on voudra, qui sont tout à fait valables, mais pas du point de vue de l'expérience analytique, qui est une expérience qui part d'un individu qui a un corps, une jouissance spécifique, un nom propre, une histoire, et qui est en plus de ça sujet du signifiant. C'est ça qui est en train de se jouer et qu'on rejoue à nouveau là, hein, à ce niveau-là. Alors, il y a un autre point quand même, on en avait parlé tout à l'heure ensemble, mais il faut qu'on revienne là-dessus, parce que c'est pas facile de comprendre cette histoire du corps dans l'imaginaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous dites, mais non, moi j'ai pas de corps dans l'imaginaire, la preuve c'est que je me cogne contre les murs, j'ai chaud, j'ai froid, donc j'éprouve des choses de mon corps, qu'est-ce que c'est que cette histoire de consistance imaginaire ? Alors il faut bien comprendre d'où ça part cette histoire, c'est qu'au début de son enseignement, Lacan, il a fait une distinction avec le stade du miroir, entre ce qu'il appelle le faux imaginaire, c'est-à-dire le spéculaire, hein, c'est donc l'image qui se produit comme reflet dans un miroir plan, par rapport à ce qu'il appelle à l'époque, il l'appelle comme ça, le vrai imaginaire. Le vrai imaginaire, c'est des expressions qu'il a utilisées, qui est quoi ? Qui est ce qui donne consistance de forme à un être organisé. C'est pour ça qu'au début de... On ne l'a pas écouté aujourd'hui, mais la dernière fois, il disait, voilà, tâchons quand même de voir de quoi il s'agit, à savoir que dans ce réel, se produisent des corps organisés qui se maintiennent dans leur forme, ce qui explique pourquoi ces corps imaginent l'univers. C'est-à-dire que Lacan, il insiste beaucoup pour dire qu'on ne sait pas où est la limite entre l'imaginaire et le réel, hein, le vrai imaginaire. On ne le sait pas. Bien sûr, le schéma nous montre séparé, mais ça se noue, c'est déjà là. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer justement qu'un corps s'organise et qu'il a une certaine stabilité formelle ou structurelle, oui, on pourrait dire, hein. Voilà, c'est très simple. Il y a un lien entre la morphogénèse et la structure. Voilà, c'est des choses qui sont dites là. Alors, il parle, c'est important parce que là, il parle des... Tu es d'accord que je continue là-dessus, hein, que je ne parle pas trop. C'est pour ça qu'il parle des éthologistes. Alors, les éthologistes, il les a étudiés comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne mettait pas les animaux dans des boîtes et on ne leur faisait pas couvrir des trucs, on les observait. Et on observait qu'un criquet pèlerin, Si on le mettait avec d'autres criquets pèlerins, il devenait un criquet grégaire, alors que si on l'isolait, il devenait un solitaire. Il parle effectivement aussi de la pigeonne. Si on lui présente une silhouette d'un pigeon, ben elle peut pondre ses œufs, elle peut, voilà, des choses comme ça. Toute cette série qui montre l'intervention de ce que ça veut dire l'imaginaire comme consistance de forme par rapport au spéculaire. Parce que chez les animaux, il n'y a pas de spéculaire. Ils voient, mais ils n'ont pas le spéculaire de ce que nous voyons avec le stade du miroir. Il faut retenir aussi que au stade du miroir, il ne s'agit pas simplement d'imaginaire comme ça, qui se constitue dans le miroir. C'est un nouage premier, c'est pour ça que Lacan, très tôt au début, il a parlé déjà du nœud borroméen, il a évoqué le nom, il ne savait pas encore ce que c'était, lui, il a dit ça comme ça, que les trois, le réel, l'imaginaire et le symbolique, se nouent au moment du stade du miroir. C'est pas simplement un montage du spéculaire, le stade du miroir, c'est un nouage du corps réel, sous la forme qui devient l'image du corps, c'est l'image réelle du corps, ce que Dolto appelle l'image inconsciente du corps, qui est ça, avec le spéculaire, et c'est noué par la loi, par le capitonnage de la loi, c'est-à-dire des signifiants. C'est pour ça que faut comprendre que dès le stade du miroir, très tôt, le par-l'être, il est constitué comme tel. Le petit enfant, c'est un par-l'être, et comme nous. Il a exactement les mêmes coordonnées, et c'est avec ça qu'on se débrouille. Voilà. Voilà, la difficulté, c'est donc dans ce choix forcé d'être du côté du sujet, parce qu'on a vu que même dans la différence sexuelle, dans le choix de sexuation entre le choix féminin et le choix masculin, si l'homme choisit en fait l'être, c'est juste qu'il donne une consistance à son sujet. Il dit moi-je, mais c'est tout, mais il n'a pas du tout accès au corps plus que la femme. Au contraire, même, puisque elle, en choisissant le sujet pur, c'est-à-dire un sujet sans prédicat, il y a quelque chose qui peut venir du corps, donc elle n'est pas autant désincarnée que l'homme, qui lui est entièrement pris dans l'insignifiance. C'est pour ça que la jouissance phallique est entièrement de son côté, tandis que la femme, il y a ce qu'il appelle cette autre jouissance, qui est énigmatique pour la femme elle-même. Mais donc ça fait quand même une différence. Il faut penser que la peur dont il parle, la peur du corps, c'est que le corps ne nous appartient pas en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'étrangeté de notre corps. Et s'il y a peur et qu'il parle d'angoisse, c'est que l'angoisse, au fond, il la définit comme une peur de la peur, mais on peut aussi la définir comme une proximité trop grande avec l'objet cause du désir. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a aussi que l'angoisse, elle se situe par effraction du réel dans l'imaginaire. C'est pour ça qu'il le met ici. Ça se superpose. Et c'est pour ça que là, il appelle l'angoisse un réellement symbolique. Pas réellement imaginaire, un réellement symbolique. C'est du côté de l'angoisse qui s'attache évidemment, qui rejoint le symbolique. Ça, c'est un point important. L'angoisse, c'est ça, c'est une effraction du réel dans l'imaginaire du corps. On éprouve réellement. Hein? Voilà. La peur, c'est effectivement. Alors, elle n'est pas sans objet, vas-y, c'est ce que tu disais à propos de l'objet de Tita. Oui, et il y a cette étrangeté à notre corps qu'on vit très précocement, en fait. Hein? Il n'y a qu'à voir les bébés en train de découvrir leurs pieds, etc. Et puis nous, la manière dont nous sommes, paraissons encombrés de notre corps. En tout cas, il faut voir un cours de danse ou de Krav Maga, pour voir à quel point ça va pas de soi. C'est-à-dire qu'il y a une étrangeté constitutive. Et d'où vient ce corps? C'est ça la notion à la fois d'imaginaire et de réel. Et la formule qu'il emploie, c'est « se produit ». C'est-à-dire que c'est exactement comme le « se jouit », il y a quelque chose qui se passe et qui se passe indépendamment des possibilités du sujet d'y avoir accès. Donc la difficulté, l'angoisse qu'on va éprouver, et quand nous animons de notre peur, donc on en discutait tout à l'heure avec Patrick, c'est-à-dire que moi j'avais compris ça, que comme on avait peur de notre corps, on transmettait cette peur-là, et on avait peur des animaux. En fait, Patrick me dit que non, c'est les animaux eux-mêmes ont peur de nous parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre rapport à notre corps. Donc, ils se carapatent. Et puis, ça, c'est lié aussi à la formidable incompréhension qu'on peut lire, qu'on peut imaginer hein, dans les yeux d'un animal quand on se livre sur lui à des expérimentations. Je suis absolument radicalement contre les neurosciences et tous ces trucs-là parce que je ne peux pas imaginer que ce n'est pas sans conséquence, parce que un animal qui a affaire à un prédateur, il est dans une certaine situation où il va fuir, se faire dévorer, etc. Mais un animal qu'on torture, pour le bien sûr, hein, c'est pour le bien-être des êtres humains, il ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est une terreur absolue, parce que c'est un défi justement à ce que lui perçoit du corps. Donc, dans notre rapport au corps, donc notre rapport à la jouissance, c'est uniquement à partir de là qu'on peut situer effectivement l'apport décisif de la clinique psychanalytique qui donne à revoir l'ensemble de tous les savoirs, puisque c'est à partir de ce rapport à la jouissance que nous sommes dans cette ambivalence vis-à-vis de la jouissance. À la fois, elle est quelque chose qui nous semble à atteindre et excessivement difficile à atteindre puisqu'on n'y arrive pas, et d'un autre côté, sur un autre plan, c'est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser. Donc ça, c'est le symptôme. On voit que le symptôme n'arrive jamais à se dissoudre totalement, ou alors quand le symptôme est éradiqué d'une certaine manière, il va reparaître sous une certaine forme. Donc le rapport à la jouissance, c'est un rapport profondément ambivalent qui va spécifier notre aventure à chacun. Donc faire de cette dimension-là le véritable universel, c'est pour chacun notre aventure subjective avec la jouissance. Et comment on fait avec cette jouissance-là? Quel est notre rapport à la jouissance? Comment on est capable d'explorer ce rapport à la jouissance? Ça, c'est vraiment la clé que peut offrir la clinique psychanalytique. Bon, on revient quand même, il faut exploiter l'angoisse jusqu'au bout. Parce que justement, l'angoisse de tous les affects, en tout cas il y en a d'autres, mais enfin de tous les affects, c'est un affect qui ne ment pas, qui n'est pas trompeur. C'est-à-dire que quand il y a de l'angoisse, il y a du réel en jeu, et en plus de ça, il a un objet. L'angoisse a un objet qui est le fameux objet petit a, qui est ce qui a été produit par l'opération signifiante, tout en n'étant pas marqué par le signifiant, mais qui dépend de l'opération signifiante sur le corps. Ça, c'est un point très important hein, par rapport aux autres affects qui sont trompeurs. Alors, on revient sur l'animal, parce qu'on en parle un petit peu comme ça. Lacan disait que, par exemple, il disait la colère, ça n'existe pas dans le monde animal. Ça n'existe pas, parce que les animaux qu'on voit période de rute ou éventuellement de lutte, quand ils foncent, ce n'est pas de la colère, c'est une manifestation de lutte, d'agressivité, si on veut le dire comme ça, contre le prédateur. Et alors, on les voit bien quand ils sont l'un en face d'autre, l'un en face de l'autre, deux animaux, ils arrivent, puisque c'est relativement fixé leur rapport au réel, ils arrivent à situer ce qui se passe dans l'autre. Ils ont une certaine connaissance ou une certaine appréhension du corps de l'autre. Tandis que nous, quand on est en face d'un type menaçant, on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est ce que tu disais par rapport à la peur. Et l'animal, il sent que les humains, il y a quelque chose comme ça qui n'est pas clair. Hein, il le sent. Donc, pas d'affect chez les animaux, mais par contre, l'angoisse, elle existe. Les animaux, ils éprouvent de l'angoisse. Bien sûr, on n'en a pas le témoignage parlé comme pour nous, mais on le sait. On sait que, par exemple, quand se produisent des séismes dans le réel, qu'il s'agisse de tremblements de terre ou de feux dans les forêts, immédiatement, c'est la panique. Les animaux se mobilisent pour quitter l'endroit où ça se passe. C'est pour ça qu'on utilise certains animaux qui repèrent à l'avance les tremblements de terre, les oiseaux dans leur cage et des choses comme ça, probablement les poissons dans l'eau et tout ça. Voilà, ça c'est des points tout à fait importants. Et donc, nous réduire à notre corps, donc c'est effectivement là que réside la différence entre être un corps et avoir un corps. Voilà. Parce que si je suis du point de vue du sujet, je suis dans un rapport d'avoir avec le corps. Tandis que si je me situe du côté de la jouissance du corps, je suis ce corps. Donc en fait, la recherche biologique, scientifique, etc., tend à faire de nous des corps. C'est-à-dire, il n'y a plus de sujet, et il y a un aboutissement de l'avoir dans l'être du corps, donc faire partie de la grande chaîne de l'être. Et donc c'est en ça que la science est un discours totalitaire. C'est-à-dire qu'il y a une fusion entre l'être et l'avoir qui est au détriment du sujet. C'est la raison pour laquelle le discours de la science éradique le sujet. Alors, c'est l'histoire de avoir et être un corps. C'est des choses intéressantes aussi, c'est que quand on a un corps, eh ben on peut le modeler. Par exemple, on fait du bodybuilding, on fait des tas de choses parce qu'on travaille le corps. Notre corps est un objet qu'on a, on le possède. Mais l'expérience d'être un corps, on l'éprouve tous dans la vie, c'est quand on tombe malade. Et tout spécialement dans notre époque moderne, alors là on devient un corps. Quand vous êtes hospitalisé, vous êtes un corps. Et évidemment... Essayez de ramener votre sujet à l'hôpital, vous allez voir. Là le sujet à l'hôpital, on vous demande plus. Autrefois on parlait encore un peu avec les patients, enfin on pouvait poser des questions, leur demander de raconter des histoires. Maintenant c'est fini, c'est directement l'IRM, et tout ça, bon voilà. C'est ça, être réduit à un corps, et ça s'éprouve vraiment dans la maladie. Hein. Ça, c'est, voilà. Voilà, donc c'est... Et ceux qui font du travlania, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur corps, tu vois, ce que je pense comme ça. Donc ils ont besoin de prendre des coups pour arriver à trouver les limites de leur corps. C'est ça. Ils sont tellement forts que quand ils donnent un coup, ils savent plus où est leur corps. Alors, ils ont besoin de rencontrer un autre corps pour que ça s'arrête, parce qu'il y a un bout de réel. Oui. Mais quand tu es bien dans ton corps, tu ne fais pas de Kraftmania. Tu n'as pas besoin d'en faire. Bien sûr. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Il y a quelque chose comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Ce qu'il y a dans la notion de... On les voit dans les salles de sport, les types qui font du... Ah, mais ça n'a rien à voir avec ceux qui font la musculation, parce que... Je suis d'accord, mais attends... Ils se regardent dans la glace. D'accord, mais je suis d'accord avec toi, je n'ai pas dit que c'était la même chose. Quel est le plus réel entre celui dans la glace et eux-mêmes? Alors, ils se regardent comme ça. Je ne suis pas pareil, je suis d'accord. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que ces athlètes qui se fabriquent leur corps, ils ne se rendent même pas compte que... Le corps, il ne tient pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il se pète les muscles, il se pète les tendons, il soulève des poids que leur propre ossature ne peut pas supporter, ils se font des fractures, et ça continue. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de ça. Alors tu as raison de l'opposer au Krav Maga, où toi tu sais que quand tu files un coup, tu peux en recevoir un autre. C'est-à-dire que le réel, tu ne sais pas où il était, tu le prends. Hein, oui, voilà. Oui. C'est plus performant. Oui. Voilà. D'ailleurs, moi, à un moment, je faisais... de la boxe dans une salle où il y avait une salle de musculation, j'étais stupéfait. Moi, j'ai jamais pu faire de musculation, j'arrive pas à soulever des poids bêtement comme ça n'a aucun intérêt. Et de voir que les mecs passent leur temps à se regarder dans la glace, il y a des miroirs partout. Ah oui, ils se regardent. Et ils se regardent pour voir, d'abord, je me les regardais parce que je voulais voir si c'était pour s'assurer qu'ils étaient eux vraiment là. C'est-à-dire qu'ils questionnent le miroir avec un air un peu interrogatif pour voir s'ils y sont, hein, ou si le miroir est plus réel qu'eux. Ça n'a rien à voir quand même avec l'art martial ou le sport de combat, où il y a plusieurs grades, en fait, jusqu'à découvrir que le principal adversaire, c'est toi-même. Donc, et dans ce rapport du corps à corps, il y a d'abord un effet miroir qui est étonnant, hein, c'est... Quand on prend le mec, vous met le doigt dans l'œil, hop, faut tout de suite le mettre un doigt dans l'œil derrière. Quoi. C'est comme s'il devait y avoir une réciprocité. Donc ça, c'est le petit autre, on est dans ce truc-là à un moment. Et puis après, ça change complètement. C'est-à-dire ça passe sur un autre plan et il y a des étapes initiatiques. Donc, enfin, pas pour tout le monde, hein, pour ceux qui font ça avec un certain esprit. Mais il y a quand même à l'horizon, un jour, l'adversaire, celui qui va être dangereux. Celui qui va te battre, Tu te prépares parce que tu as celui qui va t'agresser, qui peut te faire beaucoup de mal, et tu te prépares pour un jour l'affronter. Alors tu le cherches. Alors, oui, ça dépend qui. Ça dépend. Hein? Ça dépend. Oui, ça dépend qui, il y en a qui s'arrêtent à. Il ne faut pas faire de généralité. À différents niveaux, mais justement, ce n'est pas vraiment le même. Mais c'est vrai que là, le rapport au corps rentre directement dans toute la souffrance et la jouissance. Hein. C'est vraiment, d'ailleurs, quand vous voyez des photos de combats au sol, de jiu-jitsu brésilien, justement, c'est presque un enlacement. Il y a quelque chose de trouble là-dedans, hein, avec l'autre. Mais bon, c'est vrai que. Sur un certain niveau, il peut y avoir un au-delà de ça. Donc, ce corps, il est justement notre rapport à nous, enfin, ce qui marque notre rapport à la jouissance, puisque sans corps, c'est impossible de jouir. Donc, faire avec ce corps-là. Alors, comment on peut... C'est en même temps très simple, c'est très difficile de parler de ça, parce que moi, j'avais plein d'idées qui me semblaient très claires tout à l'heure, etc., et maintenant, j'arrive pas à dire. Alors, ce que... Vas-y. Ça a commencé en disant que la psychanalyse, elle a émergé du malaise de la civilisation. Oui. C'est-à-dire que effectivement, c'était bien quelque chose éprouvé du corps. Hein, et que Lacan en parlait autrement en disant que depuis la montée du discours de la science, c'est devenu irrespirable, mais au sens réel du terme. On ne peut plus respirer. Alors il dit bien que la psychanalyse... C'est le poumon artificiel qui permet de reprendre un peu de souffle. Hein. C'est un répit que peut obtenir chacun par rapport à son corps, parce qu'on est quand même submergé par les dimensions de corps dont on nous parle partout. Hein. Oui, parce que la psychanalyse justement arrive à réinscrire le sujet dans un discours qui est le discours de l'analyste. Et le séparer de il a un corps, il n'est pas le corps. Voilà, et à partir de là, il peut avoir confiance et s'accrocher en tant que sujet à un discours. Parce que sinon, il n'y arrive pas. Il est ramené, les discours ne tiennent pas, ils sont trop inconsistants. Hein. J'écoutais les discours, je ne sais pas, politiques ou de la publicité ou du marketing, c'est tellement inconsistant qu'on régresse vers le fait d'être un corps à ce moment-là. On ne peut pas obtenir une position subjective valable. Donc la psychanalyse, ça permet ça. Alors, c'est un protocole... Je voulais revenir là-dessus parce que ça, c'est un graphe qui est très complexe. Mais il y a quelque chose de très simple quand même. Si on en reste juste à la première intention mythique, c'est ça, qui est coupée par la chaîne signifiante. Donc, ça... Comme ça, c'est le désir de l'autre. On n'en sait rien. Et on ne peut jamais rien en savoir. Ici, il y a un effet, bon, c'est le premier, hein, on va prendre le premier ici, il y a un effet rétroactif qui va signifier mon sujet. À partir de ce moment-là, on peut placer la notion de fantasme. Parce que quand on parle de jouissance, c'est important de replacer le fantasme. Donc, le fantasme, c'est ce qui vient protéger de ça, de cette intention-là dont on ne sait rien. C'est-à-dire, on est là, on est bébé, on arrive au monde perdu, complètement. Que me veut l'autre ? Oui. Qu'est-ce qu'on veut ? Je comprends rien. Pourquoi ma mère a fait ça ? Même si on n'est pas capable de se formuler, mais on le voit, les bébés, ils sont... c'est des puits d'angoisse. Ils sont en permanence comme ça, en train de se demander ce qu'on leur veut. Hein. Donc, ils dorment beaucoup pour récupérer, parce que c'est très, très inquiétant, quand même, d'être soumis à autant de ce désir de l'autre. Impossible à cerner. Donc, on va apprendre à apprivoiser ça en mettant en scène un cadre, une fenêtre, s'en tenir, c'est ça la fenêtre du fantasme. Et ça a deux fonctions, c'est le désir de l'autre, il est bouché, comme ça, grâce à ça, on n'y est plus, il y a comme un espèce de cache dessus qui fait qu'on n'est plus soumis à cette aspiration du vide, hein, parce que c'est derrière, c'est sans fin, c'est un vide. Et ça nous apprend à comment désirer. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un cadre, ça pacifie les éléments, les objets viennent prendre place dans ce cadre-là, et le désir peut être retourné. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je peux apprendre à désirer les objets que j'ai devant, le hochet, le livre, le truc, etc. Donc, paradoxalement, en fait, pourquoi ça fait appel à tellement de notions, ça a l'air très complexe, c'est parti dans tous les sens, c'est très simple. C'est ça, en fait, c'est, je vous décris là le premier... premier moment du monde juif, hein, comment on passe du monde juif au monde chrétien et pourquoi la psychanalyse elle est judéo-chrétienne. Ça ne peut être que juif au départ et métabolisé par la transformation de ce désir infini et dont on ne peut rien savoir par le sacrifice chrétien. Donc Nietzsche a raison, il y a eu un seul chrétien, il est mort sur la croix. Bon, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ce désir sans fin, là, auquel on est soumis, les Juifs sont le premier peuple. Alors, on dit élu, c'est un mauvais mot élu, parce que ça donne l'idée d'une élection, un truc un peu qui les met dans une position de supériorité et tout. C'est pas du tout ça au départ, c'est choisi, ils ne sont pas du tout contents d'être choisis. C'est un peuple comme les autres, etc. Ah, mais Moïse leur dit, bon, ben, c'est vous. Oh merde, c'est nous. C'est-à-dire que Jéhovah, en fait, vous allez, soumis à son désir, et il est capricieux, on ne peut rien savoir, il est tout le temps, il demande des trucs, le contraire, etc. Il est humanisé, on ne peut pas savoir, et donc ça, c'est quand on est en position de laisser ouvert le désir, c'est-à-dire le désir de l'autre, qu'on n'en peut rien savoir. C'est une béance, c'est un truc, c'est ça, cette intention mythique, là, voilà, ça c'est le truc de départ. Après, donc, il va se passer l'étape chrétienne où, face à l'impossible de ce désir, donc on revoit le petit enfant aussi qui est dans une position où il va dormir toutes les heures, il va dormir 4 heures, parce que c'est impossible d'être soumis à ce désir de l'autre dont on ne peut rien savoir. Donc, construire ce fantasme-là, le fantasme, la fenêtre du fantasme, c'est face à la demande infinie d'amour, s'offrir soi-même comme objet d'amour à l'autre, donc pour combler son manque infini, et du coup, combler moi aussi mon propre manque. Ça, c'est la position chrétienne ? Oui. Qui là ? C'est la position du Christ. C'est pour ça que j'ai pris... la peine de dire au début, pourquoi Nietzsche dit il y a eu un seul chrétien et il est mort sur la croix. C'est-à-dire que je viens combler son manque et ce faisant, il comble mon propre manque. Donc, avec l'amour, c'est pour ça que pour Lacan, l'amour est second par rapport au désir. Hein, c'est un sentiment comique. C'est d'abord le désir et en second, l'amour qui vient donc suturer ça. À partir de ce moment-là, en tant que symbole, il prend sur lui le kévoï et Élie, lama sabachthani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? À ce moment-là où il meurt sur la croix, il montre qu'il n'y a pas de Dieu de l'au-delà. Ce qui meurt sur la croix, ce n'est pas le représentant de Dieu, c'est-à-dire le Christ, c'est le Dieu de l'au-delà de lui-même. Il n'y a plus de Dieu de l'au-delà. Donc il faut faire avec la contingence. C'est pour ça que pour Lacan, la vérité est contingente, le désir est contingent, tout est contingent. Donc on rentre dans une matérialité, un matérialisme, on peut dire, mais c'est le contraire du matérialisme laxiste scientifique qui pense que c'est une espèce d'asservissement à la matière. C'est une matérialité, c'est-à-dire qu'en fait ce sont la manière dont les signifiants vont décrire notre position au monde qui nous permettent justement de nous situer dans notre jouissance par rapport à ce désir-là tout en laissant le désir ouvert parce que nous avons la possibilité de fantasmer. Et ce fantasme-là, donc ce cadre du fantasme, quand Lacan dit ne pas céder sur ce désir, c'est qu'à partir du moment où il y a la destitution du grand autre, c'est-à-dire que c'est la fin de la cure, quand vraiment le grand autre chute, c'est-à-dire que son désir est à jamais, on ne peut pas le combler, alors à ce moment-là, ne pas céder sur le désir, c'est le désir du sacrifice, céder à la pulsion de mort de l'autre. On a plus besoin de ça, parce qu'on n'a plus besoin de cette fenêtre fantasmatique. C'est pas, quand il dit ne pas céder sur ses désirs, c'est justement le contraire de Berchel, c'est-à-dire ne pas céder sur sa jouissance. C'est-à-dire tous ses fantasmes, lui, ne cède sur aucun de ses fantasmes. Là, en ce moment, à l'heure où on parle, il se fait passer pour Rambo 5 à quelques kilomètres d'ici, en représentant l'ECF. C'est-à-dire l'école de la cause freudienne. C'est quand même hallucinant hein, d'en arriver là. Mais lui ne cède sur pas sa jouissance. Alors que ne pas céder sur son désir, c'est ne pas céder au désir de se sacrifier pour l'autre, pour ce désir-là qu'on ne peut jamais connaître et qui doit rester ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet qui vienne combler ce désir parce que nous sommes inscrits dans l'ordre du langage et notre sujet est, fait partie donc d'un au-delà de ce monde-là qui est pris entre deux signifiants. Et en fait, c'est en ça où le sujet a quelque chose à voir avec l'être, hein, puisque comme l'être est... Dès que la chose est, le sujet disparaît comme l'être aussi, ça devient un étang, et de la même manière, le sujet lacanien ne peut jamais être matérialisé. Alors, on peut repartir, parce que tu l'as utilisé, le gras du désir, vas-y, à un niveau plus proche de l'expérience clinique, si tu veux. En gros, le grave du désir, qui d'ailleurs s'appelle le grave du discours, en fait, ce trajet-là, c'est le trajet de la pulsion, tout simplement. Hein. Elle part au départ d'un sujet. Au début de Lacan, il disait que c'était le sujet pur du besoin. C'est le nourrisson. Le nourrisson, il crie, et puis il rencontre forcément la mère avec son désir, et qui donc lui répond aussi par des mots. T'auras du lait, bien sûr, mais en même temps, il faut que tu fasses un peu des petits sourires, il faut que tu fasses, tu me demandes, quoi. En gros, il faut que tu suscites, pour susciter mon désir de te donner du lait, il faut quand même que tu me le demandes, et il faut que j'accepte, et que tu acceptes que je te demande aussi des trucs. Donc voilà, ça c'est le trajet de la pulsion. Hein. Alors, il y a un truc très simple à piger au niveau de ce qui se passe avec la mer. Il n'y a pas de papier, il y en a un là. Ah voilà, tiens, je vais pouvoir l'utiliser. Ce que Christian était en train de dire tout à l'heure, en gros, c'est ça. J'espère que je vais pouvoir vous l'expliciter très bien. Prenons notre petit bébé. Il se met à gueuler, là, au bout de quelques heures à peine, il se met à gueuler. Et donc, on se penche sur lui. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il gueule ? Il a faim, bien sûr. Hein ? Il a faim. Donc, quand il crie, le bébé, on va partir d'un point. Voilà, il est là. Le bébé, il est là. Il crie et il va parcourir un certain truc qui s'appelle la demande. Il y a une demande chez lui. Hein. Et pour que cette demande soit satisfaite, si l'enfant est ici, et si vous mettez la mère ici, eh ben, il va falloir qu'il rencontre la demande de la mère. Il va falloir que ça corresponde. Donc, de ce point-là, il va y avoir ce trajet. Disons que c'est la demande de la mère, je vais le mettre comme ça, de toute façon, parce qu'on fait bien cette distinction. Qui revient, disons, au point d'origine du cri, pourquoi pas, on peut le dire comme ça, c'est un peu grossier ce que je dis. Donc la mère va demander à l'enfant de désirer. Hein. Il faut qu'il désire. Et on sait très bien qu'il y a des petits nourrissons, ils ne veulent pas prendre le sein. C'est des catastrophes souvent pour les parents ou pour la mère, parce qu'il y a des enfants, ils refusent le sein. On ne sait pas pourquoi. Il y a des choses probablement pour eux qui se jouent au niveau du goût, au niveau de l'appréhension de l'espace, c'est inexplicable, parce que même dans une même fratrie, il y a des enfants qui pourront être allaités par leur mère et d'autres non. Donc c'est quelque chose de très originaire, et la mère, donc, par sa demande, suscite un désir de l'enfant. Bon, tu me demandes, donc tu dois manifester ton désir. Hein. Et ce désir qui est ici, chez l'enfant, ici, doit rencontrer le désir de la mère. Il faut qu'elle ait le désir de le nourrir. Et on a cette boucle qui se produit. Hein. Voilà le circuit du rapport de la mère à l'enfant. Et on fait cette boucle-là. C'est un peu un développement un peu différent du graphe du désir, mais c'est ça que ça indique. Autrement dit, pour avoir un désir égale deux demandes, et pour avoir une demande, il faut avoir deux désirs. C'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire, c'est le rapport du sujet à l'autre et de l'autre au sujet. Avec, bien entendu, une béance entre les deux, puisque ça ne correspond pas très bien. Alors, l'enfant, au début, il se manifeste comment ? Il se manifeste par ce que Lacan appelle, déjà, des lalations. C'est le babi, c'est la lalation. Et bien entendu, la mère, elle va dialoguer avec l'enfant. Elle va faire aussi des lalalair avec lui. Hein. Et progressivement, puisque elle dispose de la langue et du langage, elle va commencer à introduire des coupures dans le flot de la lalation. Et c'est par là comme l'enfant, il est plongé dans un bain de la langue parlée autour de lui, on parle autour de lui, petit à petit, il est imprégné de la langue. Et bien entendu, au cours de cette relation qui est quand même unique, parce que c'est vraiment une relation de corps à corps qui existe rarement en dehors de la relation mère-enfant. Ça, c'est vraiment quasiment de l'ordre... C'est un moment d'inceste, d'une certaine façon, au sens où ça veut dire que la mère est en train d'injecter, en gros, à partir de la lalation et de la langue, elle est en train d'injecter les signifiants, et c'est là, il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler le rapport sexuel, parce que Lacan dit, il n'y a pas de rapport sexuel, interdit l'inceste joue là, sauf entre les générations voisines. Et là, et le plus précis, c'est bien entendu au niveau du nourrisson. Et c'est comme ça que le nourrisson va, d'abord la langue maternelle, c'est le dialogue, l'idiome entre l'enfant et sa mère. C'est ça la langue maternelle pour la psychanalyse, c'est pas autre chose. À partir d'un moment donné, moi j'ai déjà dit le mot d'idiome, et j'ai eu tort, c'est de la langue entre eux, en un seul mot la langue. Ça va devenir, au fur et à mesure où la mère séquence les manifestations de l'enfant, c'est-à-dire que ça prend du sens, et que lui il s'en aperçoit très vite, les enfants très vite ils modulent leur cri, hein. Quand ils veulent qu'on vienne, ils savent crier d'une certaine façon, et quand ils demandent autre chose, ils crient d'une autre façon, et petit à petit, ça se civilise. Et petit à petit, il va rentrer dans la langue, disons, de son coin, c'est ce qu'on appelle un peu le premier idiome, qui n'est pas encore vraiment l'entrée dans le langage, il n'y a pas encore la configuration lexicographique de la langue, même s'il utilise des expressions, il n'y a pas encore la grammaire, et petit à petit, il va entrer dans la langue parlée de sa contrée. Hein, il passe petit à petit dans ces registres-là de différents. Alors, voilà comment ça fonctionne le truc à l'origine. Et c'est ce qu'on retrouve au niveau du grave du désir, c'est ça, hein, c'est ça. Ça veut dire ça, c'est que, en gros. Alors. Au début, Lacan, il mettait le sujet ici comme sujet du pur besoin. Et puis, il a développé tout son truc pendant un certain temps. Puis un beau matin, il a fait basculer les trucs, sans le dire à personne. Personne s'en était aperçu. C'est que ça ne correspond... Quand on prend son séminaire des formations de l'inconscient au début, on n'a pas ce schéma-là. Et alors, pendant des années, tout le monde... Mais comment il s'est trompé? Il lui a jamais donné aucune explication. C'est que il a joué de la structure, parce que la structure, elle est déjà là. C'est-à-dire que le langage est déjà là. Et donc, à l'origine, l'enfant, déjà avant de naître, c'est un sujet divisé, du collectif ou du couple parental. Et il va falloir qu'il s'incarne là-dedans. Hein, ça veut dire. Donc, il y a une demande adressée à l'autre. L'autre, c'est le monde, c'est la mère, c'est l'autre du langage, c'est l'autre de la parole, tout ce qu'on voudra. Et au-delà de cette... Donc il fait une demande adressée à l'autre, comme je l'avais montré dans le schéma qui est ici, et là, l'autre va lui dire, non pas, parce que ça c'est important, non pas tu dois, mais que veux-tu? C'est-à-dire qu'on lui signifie... Que veux-tu? Il faut que tu le dises que tu veux. Hein. Tu ne peux pas te contenter de demander, il faut que tu répondes à un désir, à ma demande. Et c'est ça qui va jouer là. Alors ici, vous avez une chose qui est très confusionnante également pour les gens, le lieu de la castration. Voilà. C'est-à-dire que le lieu de la pulsion, c'est comme ça que la pulsion est un montage langagier. Tout de la pulsion n'est pas prise dans le signifiant et dans le langage, mais... On ne peut le savoir que parce qu'on en a le témoignage langagier. Sinon, on ne peut rien savoir de la pulsion. Chez les animaux, ils ont aussi probablement des pulsions, mais qui ne sont pas prises dans le langage. Et c'est des poussées de jouissance, des poussées de... Pourquoi? De je ne sais pas quoi. Enfin, des pulsations de la vie, on pourrait dire ça comme ça. Castration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette opposition, dans cette position-là, la pulsion, elle se manifeste par une demande, et dans cette demande, le sujet s'abolit. Et comme le sujet s'abolit, la demande disparaît. C'est pour ça que c'est un trou qui est ici. La castration, c'est ça. Et alors, forcément, l'enfant, ça continue, parce que la pulsion, ça continue à essayer d'aller, et ça va aboutir, alors on va passer ce stade-là, d'une part, il va falloir qu'il se détermine comme sujet divisé, par le signifiant, et d'autre part, il est l'objet dans le désir de l'autre. Hein, c'est ça, c'est la pulsion qui répond, c'est le fantasme qui répond à toute cette machinerie. Et puis voilà comment ça fonctionne, ce truc-là. Hein. Mais ça, c'est la formule du fantasme. Ça, c'est la formule du fantasme. Vous voyez bien que le fantasme... Alors, sur ce schéma, c'est pas bien, parce qu'en principe, on devrait, à partir d'ici, on devrait mettre ça en pointillé. Il y a un trou entre le fantasme et éventuellement la signification. Bon, peu importe, c'est pas ça. Mais avec ça, on peut plus faire le même raisonnement, vous comprenez ? Il n'y a pas d'autre. Où est-ce que vous le situez, l'autre ? Où est-ce que vous situez le sujet ? Vous voyez, les transformations radicales qui se produisent, on l'explicitera d'ici la fin, je ne vais pas entrer dedans tout de suite, et j'aimerais bien qu'on parle entre nous maintenant. Ça fait beaucoup ce qu'on a dit. Hein ? Non ? Tu es d'accord ? Hein ? Oui, peut-être ça permettra de réorienter. Tout ça, c'est très très difficile. Moi, je peux comprendre que personne ne comprend. tellement c'est difficile. Et en même temps, c'est la façon la plus simple de mettre en écriture ce qui s'observe phénoménologiquement. Parce que si vous faites simplement une approche phénoménologique des choses, comme ça se produit dans beaucoup d'exposés de cas ou d'appréhension du monde, vous ne vous y retrouvez pas. Tandis que là, on a un bout d'écriture, comme le graphe du désir, qui permet de dialoguer sur des choses qui sont bien entendu différentes en fonction des sujets, mais il y a des points communs. Voilà. La difficulté, c'est le cap entre l'expérience. Et voilà, le montage, l'écriture, oui, voilà, c'est très difficile. Hein. C'est et en même temps, c'est nécessaire. Alors vous voyez, pour moi, c'est beaucoup plus simple que les mathèmes. Mais j'ai mis du temps, je suis resté très longtemps sur les mathèmes des discours, et ça pour moi, c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est d'une simplicité enfantine, même s'il y a tant de termes, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, on va avancer là-dedans, ça correspond vraiment à ce que nous sommes comme par l'être. C'est-à-dire que tous les humains sont des par-l'être, hommes ou femmes. Vous voyez, il n'y a pas de différence sexuelle. Ça se joue autrement, la différence sexuelle. Ça se joue justement là, au niveau des modalités de jouissance. Jouissance phallique, qui est la seule que l'homme peut éprouver, en gros. Hein, c'est ce qui définit l'homme. L'homme égale jouissance phallique. La jouissance du sens, hein, jouissance, comme le dit Lacan, le sens, le jouissance, tout le monde l'éprouve. Hommes et femmes. Tandis que la jouissance de l'autre, pris comme corps, vous voyez bien que c'est du corps à la fois dans sa combinaison entre l'imaginaire et le réel. Cette jouissance de l'autre inaccessible, il est probable que c'est par là que se situe quelque chose de l'ordre de ce que Lacan appelle la jouissance féminine, qui ne dépend pas du signifiant, qui est hors signifiant, hors discours, qui est folle, quoi. En gros, c'est une jouissance folle, sans fin, sans fond. Et que l'homme, il n'aborde pas ça, sauf s'il est mystique. Voilà. Heureusement mystique, que les femmes sont folles. Voilà. Alors, voyez, c'est ça qu'on explorera petit à petit. C'est ces modalités de jouissance qui vont complètement permettre de changer la clinique. Ça veut dire que l'interprétation dans la cure, elle ne porte pas sur la signification de ce que dit l'analysant. Ce qui compte, c'est qu'il l'a dit. Et quand il l'a dit, ça a des effets d'équivoque. On joue de l'équivoque pour lui montrer que ce qu'il a dit, ça peut avoir un autre sens, et encore un autre sens, et encore un autre sens, mais qu'à un moment donné, ça se boucle. Ça se boucle comme ça, hein. Ça se boucle comme ça. Et c'est ce que dit Lacan. Il dit que la fin de la cure, elle vient quand on a fait deux fois, une première fois on fait un tour, vous voyez, on fait un premier tour dans la cure, et on fait un second tour. Et ça, c'est quoi ça ? C'est le découpage d'une bande de Mébus. J'ai encore vérifié l'autre jour parce que j'avais encore oublié. Une bande de Mébus, si je la coupe une fois, hein, je la coupe une fois, je vais obtenir. Alors, une bande de Mébus, c'est une bande à une seule face, et l'envers et l'endroit se trouvent de chaque côté de la feuille, mais au fond, ils sont sur la même face. Hein. Ça, c'est la bande de Mébus. Alors, premier tour, on coupe une bande de Mébus, on obtient cette boucle-là. C'est une bande bilatère, c'est-à-dire qu'il y a un envers et un endroit. Et on ne peut pas passer à l'envers et à l'endroit s'il faut refranchir une frontière. Alors que dans une bande de Mébus, pour passer de l'envers à l'endroit, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de bord, hein, on ne franchit pas. Et quand on fait une seconde coupure, c'est ça le second tour qu'il faut faire dont parle Lacan, il en parle de façon contemporaine à cette histoire quand même, eh bien on obtient deux bandes de Mébus nouées. C'est-à-dire que on a avancé dans le sens de, on a récupéré un signifiant supplémentaire qu'on enchaîne avec le premier, hein. On a obtenu d'abord un signifiant 1, on en obtient un second, un S1, un nouveau, donc les signifiants maîtres qui nous assujettissent au discours de l'autre, hein. Et en même temps, c'est toujours le même en tant qu'il est différent. Voilà. Alors la fin de la cure, c'est la seconde coupure, parce qu'à la seconde coupure, on rétablit les deux bandes de Mébus. Le nœud devient chaîne. Voilà. Alors c'est là, c'est pour ça que Lacan parle de son nœud borroméen comme un chaîneux. Hein. Il dit que c'est un chaîneux. Alors ensuite, il va explorer ce que sont les tresses et toutes ces choses-là. Bon, quand je pars, moi, je m'arrête plus. On devait parler, je vous laisse pas. Vous poser un peu des questions. La jouissance est civilisée. Oui. Je comprends qu'il y a un moins de jouissance. Il y a un moins. Pas en plus, mais un moins. Oui. Oui, c'est ça. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de sujet dans la jouissance. Oui. Je ne comprends pas très bien parce que je crois que c'était le sujet qui peut civiliser la jouissance. Non? Bon, quand j'arrive à piger, c'est que la jouissance passe dans la langue. Donc, la langue au départ, c'est fait pour jouir. Avant de signifier quelque chose, elle signifie pour quelqu'un. Elle est faite pour jouir, voilà. Il y a déjà donc, la jouissance passe d'abord dans la langue. C'est là où le sujet, à la fois, ouvre et disparaît immédiatement dans la jouissance. Donc, dès qu'il y a jouissance, le sujet disparaît. Mais il y a ce passage qui fait que la civilisation de la jouissance, c'est que la jouissance du corps, en fait, passe progressivement dans la langue. Donc le symbolique va assécher toute la jouissance du corps. Pas toute, bien sûr, puisqu'il y a des îlots de jouissance qui restent. Et c'est là qu'on va retrouver l'objet petit a. C'est-à-dire par ce rapport entre l'élément linguistique de la langue et son rapport au corps. Donc c'est souvent, pour employer des exemples triviaux, ce sont des mots qui font jouir, hein, même dans l'orgasme, etc. Donc c'est là où on a ce rapport entre la matérialité du corps et le mot. Donc c'est une motérialité de jouissance là, à ce moment-là. Donc la civilisation, c'est qu'au lieu d'être entièrement prise en corps, elle est sortie du corps progressivement. Voilà, c'est ça la... C'est vrai que tu as raison de souligner que... la langue, c'est fait d'abord pour parler avant de communiquer. Et l'expérience est tout ça. Quand vous vous mettez à parler, vous n'arrivez plus à vous arrêter. C'est-à-dire que le sens fond quand tout le temps. Il faut, à un moment donné, trouver une ponctuation pour que le sujet revienne sur la scène et arrête qu'il y a un sens à ce qu'il dit. Mais quand on parle, on ne sait pas où on va. Et on peut, ça m'arrive très souvent, plus m'arrêter. Et je ne sais même plus ce que je dis. Mais apparemment, peut-être que ceux qui m'écoutent, ils restent sujets. Et qu'eux, ils peuvent trouver des sens que je ne perçois pas forcément dans ce que je dis. Autrement dit, j'en dis plus que ce que je sais. Et vous en savez plus sur moi quand je parle que lorsque je parle. Voilà. C'est ça. J'ai une question un peu complémentaire à ce que tu viens de dire. Lorsque vous abordiez le primat, enfin la question du primat du corps sur le signifiant ou inversement, oui. J'ai une question d'abord ignorante. Est-ce que Lacan a envisagé l'inutéro, et c'est-à-dire notamment de ce qu'on sait qu'à partir du 4e ou 5e mois de gestation, il y aurait une audition qui se met en place, quid de quel. De quelle jouissance peut-on parler in utero avant la naissance? Il y a une jouissance du corps propre quand même. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu quelque chose de mythique de dire ça, que c'est C'est parce que le langage, il est déjà là, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, même le nourrisson in utero est déjà sujet du signifiant. Donc, toutes les manifestations qu'on entend de lui, on leur donne une valeur signifiante. Alors, le problème in utero, je sais bien, j'ai eu affaire à des cliniciens qui parlaient de ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, parce que... Je ne sais pas si vous avez fait de la plongée sous-marine, mais si on vous met dans une vessie remplie d'huile, et qu'on vous plonge dans la mer, les gens ils pourront venir vous parler, vous n'entendrez rien, vous entendrez pas les choses. Alors je me demande ce qu'un nourrisson peut entendre quand il est dans le ventre de sa mère. Ça fait partie de la lalation des bruits. Probablement, il entend des bruits, mais est-ce qu'il entend les sens? Je ne suis pas sûr qu'il les entende. Par contre, il va entendre les sens à sa naissance qui ont déjà été proférés sur lui avant même qu'il soit conçu. Mais est-ce que, alors, pour continuer sur cette question, est-ce que le rythme de la respiration de la mère ou de cardiaque, en fonction des émotions qu'elle-même, la mère, va ressentir avec le travaux là-dessus. Voilà. Est-ce que. Enfin, ma question, c'est. Je ne sais pas. De toute façon, les battements cardiaques et la respiration, ce n'est pas des manifestations pulsionnelles. Hein. Parce que la pulsion, elle nécessite une temporalité. Ça monte, ça redescend. Et ça n'a rien à voir avec un phénomène physiologique. Quand on parle de la poussée, du but, de tout ce qu'on voudra, ce n'est pas un phénomène physiologique. Toutes les manifestations physiologiques, elles ont une acmé, puis ça redescend. La digestion, tout ce qu'on voudra. La respiration, elle est permanente. Alors c'est un rythme. C'est pas exclu qu'effectivement, ça fait des musiciens. J'en sais rien, moi. Après tout, pourquoi pas, hein ? Alors les battements du cœur, pareil, oui, effectivement. C'est vrai que si on ausculte une femme enceinte à partir d'un certain nombre de mois, on entend le cœur de... On entend les battements du cœur de... Mais on l'entend avec un appareil quand même, avec un amplificateur. Alors, probablement qu'on peut l'entendre direct. Autrefois, on n'avait pas toutes ces machines, on écoutait à l'oreille, on entendait. Hein, comme on auscultait les gens à l'oreille. Quand on faisait de la pneumologie, on tapait, on entendait très bien. Maintenant, on a des appareils qui entendent à votre place, qui les déforment d'ailleurs, les bruits. Donc tout ça, c'est... Alors, in utero, je ne sais pas. In utero, je vais dire. In utero, je ne sais pas. Alors, je sais bien, j'ai entendu parler de toute cette pratique de l'autonomie. Hein, bon. On fait soi-disant bouger l'enfant, il vient là où est la main. Pourquoi pas? Moi, je veux bien. Il fait chaud là, donc il vient là. Pourquoi pas? Mais une femme qui va faire des séances d'autonomie, ben on s'occupe vachement d'elle. Hein. Donc ça l'aide dans sa grossesse. Ça la rassure. On lui dit, écoutez, il va bien, il grandit. Vous avez peut-être de temps en temps des malaises, vous trouvez que vous êtes trop grosse ou pas assez grosse, tout ça qu'on voudra, mais c'est rassurant pour elle, des mains bien chaudes sur le ventre. Alors le nourrisson, il doit peut-être en bénéficier de ça, je pense, mais voilà. Mais je ne peux pas en dire plus. Je ne crois pas trop, moi, à ce que l'enfant peut entendre dans l'utérus. Sinon, ce qui deviendra chez lui la lalation du départ. Il entend des choses comme ça. Comme quand vous êtes dans une baignoire où vous tapotez l'eau, vous verrez ce que vous entendez. Vous n'entendez pas. Hein. Si quelqu'un vous parle sous l'eau, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Hein. Je dis sans masque, sans écouteur, on n'entend pas. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez essayé. Il y a un requin derrière toi, tu vous dis. Vous l'entendez pas. Le fantasme, c'est ce qui nous apprend à désirer. Je me pose la question de la fin de l'analyse. On dit que le fantasme a été traversé. Qu'est-ce que ça se passe après? Comment on désire après ça? Mais justement, hein, c'est, y a une très grosse... D'abord, c'est un apax. C'est-à-dire que c'est juste une... Ça apparaît une seule fois dans le texte de Lacan. D'aucuns en ont fait une espèce de truc un peu surinvesti, mais c'est pas grand-chose. C'est, c'est, c'est, c'est un cerceau de papier qui est traversé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la destitution du grand autre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le sujet lui-même accepte que l'autre soit barré, que l'autre c'est une demande infinie. Donc le cadre du fantasme par lequel je peux désirer et fantasmer n'a plus besoin d'être. La traversée du fantasme, c'est juste ça. À partir de ce moment-là, alors ça concerne plus, je pense, les femmes que les hommes. Les femmes sont plus du côté de la traversée du fantasme et les hommes du côté de l'identification aux symptômes. Et c'est les deux modulations du fait de prendre acte de la destitution du grand autre. Donc d'avoir fait, comme dit Patrick, les deux tours des quatre discours, à ce moment-là, le langage a creusé son trou et l'autre apparaît définitivement comme inexistant, comme sur le Christ sur la croix, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné, Lama Sabachthani, c'est-à-dire que l'autre a chuté. Alors à partir de ce moment-là, je n'ai plus besoin de cette protection fantasmatique, c'est juste ça, cette protection du fantasme qui fait que je ne cède pas sur ma jouissance jusque-là. Alors à partir de là, je n'ai plus besoin. Voilà, c'est ça la traversée du fantasme. C'est rien de plus que ça. Il y a rien de. C'est pas une espèce de truc, on va traverser la Manche à la nage ou un truc comme ça, une expérience. Le fantasme, c'est le stade du miroir. Hein. C'est là ce qu'on situe au stade du miroir, le fantasme. Hein, c'est un montage de l'imaginaire par le symbolique d'un réel spécifique du sujet. C'est ça le fantasme. Sur le grade du désir, là, ces questions de fin de cure où Lacan l'a bien sûr posé, lui, à un moment donné, il disait, voilà, bon, traverser du fantasme, bon, je ne sais pas si c'est un cerceau de papier, il y a des personnes qui pensent ça, ça s'est produit et, au début à l'école de la cause, qui a été bloqué pendant 20 ans sur cette idée qu'il fallait traverser son fantasme, donc... On a commencé à dire, mais on traverse comment à la nage? Alors donc, ça, évidemment, ça a fait très mauvais effet, qu'on se moquait des chefs quand même, on disait, ils se foutent de notre gueule et tout. En gros, c'est plutôt un parcours. C'est-à-dire, c'est le parcours d'une structure que Lacan désigne comme étant la bouteille de... le plan projectif, par exemple. Hein, cette espèce de figure topologique qui fait que, si vous coupez au bon endroit... Vous allez séparer une rondelle comme une boule, ça va être l'objet petit a, et un truc me bien, qui est une représentation du sujet. Donc c'est déjà améliorer le truc. Lacan, il va dire qu'à la fin de la cure, dans un premier temps, le fantasme devient la pulsion. Donc la pulsion, c'est quelque chose de réel. Hein. C'est un mythe du point de vue de son explicitation théorique chez Freud, il le dit très bien d'ailleurs. L'impulsion, on ne la voit pas, elle n'a jamais été observée phénoménologiquement. Il dit d'ailleurs, ce sont des mythes grandioses dans leur indétermination, il dit ça Freud en 1930. Il a toujours tenu à cette histoire, mais le tout de la pulsion n'est pas signifiant. C'est tout, c'est pas. Hein, bon. Donc voilà, donc en ce point-là, puisque je vous ai expliqué que c'était un trou déjà, hein, sujet aboli, désir, la demande terminée, on aboutit ici. Alors vous remarquerez que le grand tabaret c'est un trou, et que le sujet qui lui répond c'est un trou aussi. Hein. Donc il y a des superpositions de trous comme ça qui se produisent. Moi je trouve que c'est plus simple de reprendre, puisque ce schéma-là il le donne à la fin de son enseignement. C'est-à-dire qu'il a dépassé. De toute façon, Lacan il s'est interrogé d'une façon très rigoureuse, il ne savait pas ce que c'était que la fin de la cure, lui. Contrairement à beaucoup de gens. Il se posait comment ça se termine cette affaire-là. Alors, c'est pour ça qu'il avait inventé sa procédure de la passe. Hein, il disait, bon, est-ce qu'il y a des gens qui veulent bien se prêter à cette expérience pour nous dire qu'est-ce qui se joue en fin de cure. Mais si vous prenez ce schéma et que vous mettez l'analysant ici et le psychanalyste ici, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire que l'analysant, il vient demander à l'analyste une analyse. L'analyste lui demande, tu veux bien faire une analyse? Alors tu dis, bah oui, je désire faire une analyse. Alors mon désir, c'est que tu payes tant tes séances et que tu viennes 3 fois par semaine ou 5 fois par semaine. Ça te coûtera tant et je te garantis que j'assumerai cette position d'être ton déchet pour que tu puisses accéder à la cause de ton désir. C'est ça que ça veut dire. Mais si vous faites deux fois le tour, eh bien vous allez obtenir deux bandes de Mébus, c'est-à-dire un analyste de son côté et l'analysant de l'autre. Hein. C'est un peu ce schéma-là. Donc, c'est cette histoire de fin de cure est une question cruciale, mais qui a toujours été, chez Lacan, posée comme une question dont il n'avait pas absolument la réponse. Même si maintenant, il y a des institutions qui vous disent... Ça, moi, j'ai vu ça à l'école de Lacan. Au début, les gens ils disaient, bon, ça y est, moi, j'ai traversé mon fantasme, je suis monté sur un escabeau, je suis tombé, authentique, hein, un escabeau de bibliothèque. Je suis tombé par terre, j'étais devenu objet quitta. Authentique, hein, c'est vrai. Ensuite, ils ont dit, bon, quand même, c'est peut-être pas tout à fait pareil, c'est quand même bizarre ce truc. Ensuite, il y a eu, ah ben oui, mais comme l'objet petit a est une lettre, puisque Lacan définit l'objet petit a comme équivalente à une lettre, le petit c, c'est une lettre, eh bien, ils venaient avec leur lettre dans la poche. Ils venaient faire la passe, ils avaient leur objet petit a dans la poche. Évidemment, bon. Mais Lacan, pendant ce temps-là, il faisait ses expériences de la passe, donc cette procédure de passe dans son école qui a commencé. La proposition a été votée en 67, je crois, 68, peut-être un peu plus tard. Dès la mise en place de la procédure, il a dit que c'était un échec, Lacan. Alors, un échec, de quoi il s'agit? Est-ce que ça veut dire que les membres du jury sont nuls? Est-ce que ça veut dire que les passants sont nuls? Est-ce que ça veut dire que les passeurs sont nuls? Je peux vous dire qu'à l'école de Lacan, ils se sont jetés dessus. Ils se sont dit les analystes sont des nullards, d'autant plus que Lacan était mort à ce moment-là. Par conséquent, on pouvait se permettre de dire que tous les autres analystes sont des nullards. Les passeurs ont mal été désignés. Quant aux passants, c'est des clowns, puisqu'ils ne sont pas vraiment des passants. Mais Lacan, pendant cette toute période d'expérience qu'il a maintenue jusqu'à la fin, il a avancé des choses différentes. Et en particulier, il va dire un truc absolument invraisemblable, mais qui peut se comprendre, c'est qu'il va dire que la passe, c'est de se repérer entre soi, à condition d'y ajouter un navet, donc entre savoir, un nœud borroméen dans le noir. Allez résoudre ce... Qu'est-ce que ça veut pouvoir dire, ça? Reconnaître un nœud borroméen dans le noir. On n'est plus dans la philosophie des Lumières, là. On n'est plus sous les projecteurs. Hein. On est dans le clair-obscur. On n'est même plus dans l'éclair. Parce que quand il y a un éclair de la passe, comme il disait, on peut voir les reliefs qui se sont imprimés sur la rétine. Mais dans le noir, reconnaître un nœud borroméen, bah essayez de le faire, vous allez voir comme c'est difficile de le reconnaître. Hein. C'est très difficile. On vous donne un nœud, et vous saurez. Il n'y a que les topologues qui arrivent à le faire. Bon, c'est ça le danger, c'est que les topologues, ils savent le faire, mais ils n'ont pas fait la passe, ils n'ont pas fait l'analyse. Donc c'est à la fois un outil formidable et en même temps c'est un peu trompeur. La question reste toujours ouverte. Comment démontrer que l'analyste ne s'autorise que de lui-même? Alors rien que la formule, il y a deux impossibles. D'abord, l'analyste, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'être d'analyste, il y a du psychanalyste. Il y a des gens qui pratiquent la psychanalyse, mais il n'y a pas d'être de l'analyse. D'accord avec ça, hein? Et puis, s'autorise de lui-même. Qu'est-ce qui peut être lui-même dans cette formule? Ben, on peut dire que c'est le réel qui revient toujours à la même place. Donc on peut arriver peut-être à cerner que quelqu'un s'autorise de lui-même, hein, au terme d'une cure, que parce qu'il arrive à montrer ça quand il en parle. À le montrer comme je le fais là, pas en faisant un dessin lui-même, mais dans sa façon de dire les choses, ceux qui l'entendent, c'est comme pour un mot d'esprit, ils entendent le truc. Ils sont plusieurs, ils ont une petite expérience de la chose, la même, la leur comme analyste ou comme analysant qu'ils ont été, et ça, ils entendent, ils disent ça, ah oui, celui-là, il a la même chapelle que nous. Donc on va dire, oui, ça, il est passé. Donc analyse de l'école, qui ne garantit strictement rien, qui ne garantit pas pour Lacan une compétence, qui est une garantie de performance. Vous voyez tout ça? Petit à petit, ça s'est enquisté, ça. Alors là, l'analyse de l'école, les vrais analystes, c'est les analystes de l'école, et les autres, c'est la piétaille, enfin, tous ces trucs-là, la hiérarchie habituelle de nos institutions. Ça reste une question ouverte, mais dont Lacan a quand même donné des repérages de structures nouveaux par rapport à la première procédure de traversée du fantasme. Alors, est-ce que je... c'est ce que je peux en dire. Bon. 80 ans. 80 ans. On s'arrête. On s'arrête.